معاك زين المشاكل لينا نفرحوك وعميد تطلع طلع الصوت طلع طلع بلاد ويا ولاد المغرب ودارو فان في بلاصه ولو ما تلاص مالك الدفاع وفور ديديكال بريد التاي وصولي سيلي كونفا ومست زين في بلاصه الاوريونتال مالك الدفاع وفور ديديكال ونهوض ما يقدروش عليهم يا المكناسي خليهم يموتوا بالغيره Soleil entre ça bosse mais bien, on fout ça donc mets des machines côté réaction d'état. Pour nous être sonné du côté, comme un doigt de jaloux, on les laisse mijoter comme une salpêtre. Toi c'est pas les têtes, on les fait secouer. Il m'a savé le whisky, ramme d'aïne et rouille à star. Il m'a payé et c'est des trouilles à star. On fout ce bel dans ta vie, à la qualité sans demander ton avis. Dans ta soirée, on s'invite, donc normal que ce soir c'est Hamid. On va m'aider de rouge à l'île.